n'a pas encore trouvé le sens. Une toile remplie de questions sans réponse. C'est pas de suite qu'elle arrête. Ça me chatouille encore dans la tête. Michel Robichaud et ses beaux mystères à Sentier Secret, mardi 3 mars à 10h. Bonjour tout le monde, c'est l'émission Le Grain de Sable d'Attaque Québec. Je suis en compagnie d'Étienne. Bonjour Étienne. Bonjour. Ça va bien? Oui. Il va être question cette semaine de... Il va être question d'austérité parce que c'est ça, cette semaine, ce qui avait lieu, c'était la semaine des actions dérangeantes contre l'austérité. Et ça s'est terminé ce vendredi. Et pendant cette semaine-là, moi, j'ai assisté à une série de conférences qui essayaient de réfléchir sur les problèmes causés par l'austérité et aussi sur ce qui devait être fait pour proposer quelque chose d'autre, quelque chose qui remplacerait l'austérité comme projet pour le Québec. Oui. Et c'est ça, le juste plus pour... stimulant, disons. Oui, de pas mal plus intéressant pour la majorité de la population. Alors, juste pour nommer les conférences très rapidement, je vais vous parler... de celle qui a eu lieu lundi dernier, c'était Bruno Massé, du Réseau québécois des groupes écologistes, qui parlait des impacts de l'austérité pour l'environnement du Québec. Et je vais aussi et surtout parler d'une autre conférence beaucoup plus tôt ce mois-ci, 5 février. Ça, c'était avec Simon Tremblay-Pépin de l'IRIS. Qui était oui, c'est ça, oui. C'est une conférence qui s'appelait « L'état de la dette au Québec oui. », qui était à l'Université Laval pour nous en parler. Parfait. On va aller d'abord avec une chanson qui s'appelle « Travailler » de Iri Révolté et on va revenir avec la première des conférences à laquelle tu as assisté. Les matins très tôt, le vice l'avait bouffé chier. Après courir au métro, à la main gauche le journal, à la main droite le café à emporter. Dans le métro, rester debout, le journal raconté, j'ose passer. La vie quotidienne est plus vite que nous. Enfin arrivé, il y a assez d'affaires à faire. Les temps de commencer, du temps de jouer assez. Ça veut dire retourner. C'était Iri Révolté dans la chanson Travailler. On a l'impression que il y a de plus en plus de monde qui ont de la difficulté à se trouver du travail. C'est du travail précaire. Et l'économie va pas si bien que ça, mais malgré tout, il y a quand même des gens qui continuent d'engranger les bénéfices, entre autres. Dans le domaine environnemental, des entreprises qui font beaucoup de sous malgré que l'économie va mal. Oui, et c'est ça, ça met le gouvernement dans une position difficile, dans un rapport de force, je dirais, inégalitaire face aux compagnies qui exploitent les ressources naturelles, finalement. C'est le genre de thème qui a été traité dans la conférence de ce lundi, qui s'intitulait « Impact de l'austérité pour l'environnement du Québec ». Oui. Alors ça, c'était au bâtiment Frédéric Bach avec les Amis de la Terre. Ce groupe-là invitait M. Bruno Massé, qui est coordonnateur général du Réseau québécois des groupes écologistes. Ça, c'est RQGE. Donc, c'est un réseau qui regroupe plusieurs associations qui, dans toutes sortes de domaines, finalement, luttent pour améliorer l'environnement, c'est ce que je comprends. C'est ça. Et lui, il voulait parler des conséquences très graves pour tous ces groupes-là, mais pour aussi l'environnement en général, des coupes du budget, c'est ça, de l'austérité voulue par le gouvernement Couillard. Alors, lui, d'abord, il a fait une petite histoire de l'austérité. Je pense pas que je vais revenir sur l'histoire comme telle. Juste noter que pour lui, M. Massé, l'austérité, c'est rien de franchement nouveau. C'est quelque chose que les groupes écologistes ont eu à subir assez souvent dans l'histoire, pour ne nommer qu'un événement. M. Massé, lui, parlait du gouvernement de Lucien Bouchard, qui, lui, s'était mis en croisade contre... pour atteindre le déficit zéro. C'était ça l'objectif de son gouvernement. Alors, des coupes, des baisses de subventions pour les groupes écologistes ou même les ministères de l'Environnement, c'est du connu. Le Québec a eu à subir ça à plusieurs reprises dans son histoire. Et là, il y a à la fois le fédéral et le provincial qui coupent, ce qui n'aide pas. Oui, ça aide vraiment pas. Pour ce qui est du ministère de l'Environnement du Québec, et il se démarque des autres ministères, c'est ça qui est intéressant. On est en austérité, dit-on, mais les budgets de la santé et de l'éducation sont quand même en croissance assez forte. Mais si on regarde le ministère de l'Environnement, lui, ses budgets baissent de manière conséquente. Dans la dernière décennie environ, c'est ça, M. Massé disait que son budget a baissé de 5%. Mais si on prend compte du coût de la vie qui lui augmente. L'inflation. C'est ça, si en même temps on baisse les ressources à la disposition du ministère de l'Environnement et que tout coûte plus cher en même temps, l'effet est plus terrible encore. Oui. On pourrait peut-être pas parler que leurs ressources ont peut-être plus baissé de 10 % ou 15 % les estimations de M. Massé. Et c'est ça. Donc ça a un impact certain. Oui, donc on se retrouve avec un gouvernement qui est faible finalement. Il ne peut plus entretenir des statistiques, je dirais, aussi solides qu'auparavant sur l'environnement, et on ignore ce qui se passe. Les gardes forestiers, finalement, plusieurs sont mis à pied, et il sera très difficile pour le gouvernement du Québec de surveiller la situation dans les forêts, dans les populations des animaux, pour ce qui est des populations de poissons, ou de toutes ces ressources-là dans ce genre-là. Il ne disposera plus de chiffres. Et aussi, pour ce qui est des employés, ils sont souvent encouragés à ne plus se déplacer ou à ne se déplacer que lorsque c'est absolument nécessaire. Les scientifiques sont presque obligés de rester à domicile, finalement. Et c'est assez difficile de regarder ce qui se passe avec les populations des animaux si on est obligé de rester dans nos bureaux planqués à Québec. On peut comprendre que c'est assez difficile d'avoir des données scientifiques de terrain. Et c'est la même chose pour l'impact de l'industrie, j'imagine, sur l'environnement? Oui, bien, finalement, on se retrouve en situation de noir. Là. On ignore ce qui se passe. Est-ce qu'il y a du braconnage? Les chiffres, on ne les a plus. Ils n'existeront plus. Il n'y a plus d'employés pour surveiller ce genre de statistiques-là. La chasse, les chasseurs, combien ils abattent d'animaux? Est-ce que ça respecte les normes, les lois? On l'ignore. Il n'y aura plus assez d'employés pour vraiment surveiller la situation. Et ça, c'est très problématique. Et ça va plus loin que ça. Quand des compagnies proposent des projets vraiment dangereux pour l'environnement, comme Kakuna, dont on parlait il y a quelques mois, finalement, les ministères du Québec sont désarmés. Ils n'ont plus de chiffres pour contester les chiffres optimistes proposés par les compagnies qui développent des nouveaux projets. Ils n'ont plus d'employés ou de scientifiques en assez grand nombre pour être indépendants. Alors, lorsqu'une compagnie arrive, propose un projet pétrolier, minier, le gouvernement est poussé à accepter leurs chiffres, finalement. Ils n'ont pas de chiffres concurrents à proposer pour avoir un esprit un peu plus critique. Alors, finalement, les projets privés n'ont plus une opposition, n'ont plus... C'est ça, il peut plus avoir une perspective critique sur ce qu'ils proposent, ce qui est assez grave, et peut-être que des projets qui devraient être étudiés de plus près ne peuvent pas l'être. Il n'y a pas les effectifs nécessaires pour ça. C'est une situation assez grave. Pour ce qui est du projet d'austérité en général, M. Massé... avait tendance à dire qu'il voyait le gouvernement Couillard comme un lanceur de ballon, finalement. Lanceur de ballon, c'est-à-dire qu'il propose une coupe, mais on ne sait même pas si c'est planifié ou s'il souhaite cette coupe-là. Il veut juste tester les eaux, voir si le public va réagir avec colère, avec contestation. Et si c'est le cas, ben il va reculer. Il va immédiatement proposer une autre coupe ailleurs. Toujours ça semble sorti au hasard, mais c'est assez expérimental, l'austérité. On pourrait croire qu'il y a un capitaine à la barre, mais à peine. C'est vraiment, il teste au hasard et finalement, lorsque ça ne proteste pas assez, ben, il va de l'avant. Alors, finalement, les coupes, semblent pas très planifiées. Ce qui est assez terrible parce que l'austérité comme telle est contestée. Il existe des économistes très sérieux et très réputés qui n'y voient aucune utilité et aucune raison de la mettre en application. Il a sorti des grands noms comme Paul Krugman, qui écrit pour le New York Times fréquemment. Il y a Robert Reich, qui est très connu aussi aux États-Unis comme économiste plus de gauche. Il y a aussi Joseph Stiglitz, qui a reçu le prix en l'honneur d'Alfred Nobel, un économiste très réputé. Plus intéressant encore, le Fonds monétaire international, qui lui souvent imposait des plans d'austérité aux pays, admettons, du sud de l'Europe, mais des plans qui échouaient et qui n'arrivaient pas à relever la situation et à faire revenir la croissance dans ces pays-là. Le FMI, Fonds monétaire international, avouait que ses propres plans d'austérité ne portait pas de résultats intéressants. Finalement, il avouait que l'austérité était une mauvaise idée, alors qu'il en était un des organismes dans le monde qu'il réclamait le plus fortement. C'est assez intéressant que lorsque peut-être un des plus gros promoteurs de l'austérité recule, ben le gouvernement québécois, qui je ne sais pas si on n'est pas assez au courant de ce qui se passe dans le monde, ben continue d'utiliser le même genre d'idées. Moi, c'est ce que j'ai tendance à appeler des idées zombies, des mauvaises idées qui veulent simplement pas mourir et qui reviennent encore. Est-ce que M. Massé a une explication de cette attitude du gouvernement du Québec? Je sais pas si il avait vraiment l'impression qu'il y avait une idéologie si formée que ça. Ça repose surtout sur quelques auteurs, surtout américains. L'austérité, ça repose, et la rigueur au gouvernement... Ça repose surtout sur des idées, admettons, d'un Milton Friedman, un économiste qui a eu beaucoup de popularité depuis quelques décennies, mais qui est quand même une figure assez contestée dans la littérature. Sa parole doit pas être prise pour une parole d'évangile non plus. Et ce qui est intéressant aussi, c'est une des études les plus citées pour promouvoir l'austérité. C'est un duo de chercheurs qui s'appelle Reinhardt et Rogoff qui ont fait une étude qui finalement, en science, pour savoir si une étude scientifique est bonne, ben c'est simple, on essaie de la répliquer. On essaie de faire la même chose, voir si on arrive au même résultat. Eh bien, le résultat n'était pas réplicable. Les autres chercheurs ont eu beaucoup de difficultés à vérifier

Couillard, mais il avait l'impression que dans des discussions informelles, peut-être qu'il la recevrait pour l'année prochaine quand même. Alors, il y a une espèce de confusion. On ne sait jamais quelle coupe aura lieu. Oui, c'est ce dont on parlait tantôt. Là, c'est ça. C'est tellement confus tout ça qu'on ne sait pas sur quel pied danser. C'est ça que je comprends. C'est ça. Pour résumer, tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a comme un climat de crainte. Tous les groupes, toutes les communautés qui étaient aidées par le gouvernement sont dans l'inquiétude. Est-ce que je vais être coupé? De combien? Lorsqu'une coupe est annoncée, est-ce que c'est réel? Est-ce que ce sera vraiment implémenté? Donc, dans une situation de peur comme ça, les seuls qui peuvent tirer leur épingle du jeu, je dirais, c'est les compagnies privées. Donc, un peu plus loin dans la conférence de M. Massé, il parlait des régions du Québec, des petites communautés qui sont très dépendantes des jobs fournis par les compagnies minières ou compagnies qui d'autres ressources naturelles comme le bois et qui savent qu'on est dans un climat d'austérité et ils se demandent, oui, mais si des projets ont des conséquences environnementales graves, comment les refuser? C'est tout ce qui pourrait apporter des jobs dans leur village, dans leur communauté. Ils ne sauraient pas comment dire non finalement. Lorsqu'ils sauraient pas comment produire des jobs autrement qu'en acceptant d'emblée des projets des compagnies privées qui arrivent là, dont le lobbyisme est très fort sur place, comme à Québec. C'est très difficile de refuser lorsqu'on est en climat d'austérité et que le gouvernement, on ne sent plus que le gouvernement sera là pour attraper au vol ceux qui sont en chute libre. Et tantôt, vous disiez, Étienne, que tout ça repose sur une étude erronée. On va prendre le temps d'en parler un peu de ça, parce que c'est quand même assez... C'est ça qui est hallucinant. Moi, quand ce monsieur Massé-là a parlé de l'étude qui est très citée par ceux qui font la promotion de l'austérité, là, de Reinhart et Rogoff, moi, j'avais déjà entendu parler d'eux en 2013 parce que la presse états-unienne parlait des graves erreurs dans leur étude. Donc, c'est ça. D'autres chercheurs essayaient de vérifier leurs résultats parce qu'eux avaient fait un papier en 2010 qui disait que quand un pays a une dette qui atteint 90% du PIB, alors là, la croissance cesse d'être possible, plus ou moins. Là, elle est très difficile à atteindre. Et les autres chercheurs essaient de reproduire ça en fouillant dans les statistiques des pays endettés et n'arrivaient pas à ces résultats-là. Alors finalement, c'est Reinhart et Rogoff ont donné leurs données. C'est ça, ils ont fourni leurs données statistiques aux gens et les gens ont regardé les fichiers Excel et ont vu qu'il y avait une erreur dans le fichier Excel, dans une formule, dans une case quelque part, qui faisait que plusieurs pays étaient ignorés dans leur étude. Cette erreur-là a exclu l'Australie, l'Autriche, le Belgique, le Canada et le Danemark, qui sont pas des pays, je pense, négligeables lorsqu'on veut étudier l'histoire de l'économie. Entre autres parce que la Belgique, si on étudie son histoire, on voit que pendant 26 ans en tout, elle a une croissance solide, même si elle avait une dette élevée. Alors, la dette élevée, même en ratio par rapport au PIB, ça provoque pas de mur sur lequel on se heurte. Il semble que de mémoire, le Japon aussi a eu une croissance élevée, même si sa dette était assez élevée. Le Japon, c'est un cas plus compliqué, mais c'est en effet le pays le plus endetté au monde par rapport à son PIB. 200% du PIB en poids là, pour ce qui est de sa dette. Et elle a eu des années difficiles, surtout dans les années 90. Ça a été une décennie sans croissance pour elle. Souvent, les gens disaient que c'était une décennie perdue pour le Japon, que ces années 90-là, mais pourtant, les gens vivaient très bien. Oui. Quand on regarde plusieurs indices, ils vivent vieux, finalement. Ils vivent en santé. Ils ont l'éducation facilement accessible. Alors, c'est la façon dont la société fonctionne aussi. C'est ça. Il reste à peu près 2 minutes avant la pause publicitaire. Peut-être, globalement, la conclusion globale que tire M. Massé de tout ça, c'est quoi? Ça serait quoi, sa conclusion? Ben lui, il dit que les gauches au Québec, tous les groupes, tous les groupuscules devraient essayer de fournir à la population

parenthèse pour parler de quelque chose de très important pour CKRL, qui est le don au pré-radioton, parce qu'au cours des semaines qui suivent, on sollicite l'appui de nos auditeurs par un don pré-radioton ou par le renouvellement de leur carte de membre ou l'achat de leur carte de membre s'ils ne sont pas encore membres de CKRL. Je pense que c'est une belle initiative que de devenir membre de CKRL, soutenir une radio communautaire qui fait toutes sortes d'émissions musicales, mais aussi des émissions d'affaires publiques et autres. Pour nous soutenir, il y a deux façons. D'abord, il y a le don pré-radioton, 20 $ et plus, ou il y a la carte de membre. C'est 25 $ la carte de membre, donc c'est vraiment pas cher. On peut faire les deux aussi. On peut à la fois faire un don et prendre une carte de membre. Les gens qui pourront poser leur geste de soutien avant le vendredi 27 mars à 17 h. Donc, vous avez jusqu'au 27 mars, 17 h, ils courent la chance de gagner le prix spécial pré-radioton, le prix spécial membership. C'est une surprise, on ne sait pas encore exactement c'est quoi les prix, mais habituellement, c'est quand même intéressant comme prix. Les tirages vont avoir lieu donc à 17 h le 27 mars. Tous les membres actifs à cette date sont éligibles au prix membership. Donc, ceux qui renouvellent leurs membres, ceux qui achètent leur carte de membre et ceux qui sont déjà membres, tout le monde est éligible au prix membership. Comment on fait pour faire tout ça? Ben, on peut passer au studio de CKRL, 405 3e Avenue, entre 9 h et 17 h 30 en semaine. Ça fait toujours plaisir de vous recevoir. Les gens, venez nous voir, c'est vraiment agréable. Ou on peut passer aussi par le service sécurisé PayPal sur www.ckrn.qc.ca. Vous allez voir, c'est très bien indiqué. Du côté droit, faire un don. Vous avez un autre onglet qui s'appelle devenir membre dans la colonne de droite. Alors, vous cliquez là-dessus et vous pouvez cliquer sur les deux, je l'ai dit tantôt, puis à la fois faire un don et devenir membre de CKRN ou renouveler votre carte de membre. Et les 27, 28 et 29 mars, c'est notre Radioton. Soyez à l'écoute et soyez généreux. Merci beaucoup et bon Radioton 2015 à tout le monde, à tous ceux qui vont nous écouter, à tous ceux qui vont y participer. Étienne, on va se mettre un petit peu on va se préparer, tiens, à cette conférence de Simon Tremblay-Pépin sur le budget. Parce qu'on va, je vais faire jouer une chanson de Ragasonic, une chanson qui s'appelle « Les riches ». Et je pense qu'il y a un lien entre les riches et les difficultés budgétaires du Québec, mais aussi de d'autres États à travers le monde. On écoute « Les riches » de Ragasonic. And now, this is the year 19-something, not studying up. As we enter inside a new dimension in sound, featuring the Ragasonic crew. For all massive worldwide, here it is, Maximum Wheel. Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, man. Original, pour les garçons bien joués. Ragasse Nixon, M.E., le Benes, Ivy et Panda, Mike M.T. Écoute. Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, et jamais rien n'a changé. Dégoûté. Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, et jamais rien ne changera. Écoute ça. Le gouvernement ne fait rien pour ceux qui dorment dehors. L'été, il les laisse galérer, l'hiver, il ramasse les corps. Moi, ouais, j'ai mal à chaque fois quand je prends le métro. Oh, oh, oh. Je descends à Gare du Nord, je vois un clochard qui dort. Je descends à Bastille, je vois plein de chaclots qui disent c'est la CIA. J'espère qu'un jour tout cela va cesser. Mais look and tell them. Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, et jamais rien n'a changé. Dégoûté. Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, et jamais rien ne changera. Écoute ça. C'est la guerre dans la rue. Les gens se tuent à coups de couteau, à coups de queue. Quand c'est la guerre dans la rue, à cause du choc de seringue dans le caniveau. Une arme au poteau, c'est la guerre dans le pays. La ville sans le moisir. Tu hantes la vie comme la mort. Le fait danser, c'est la guerre dans le pays. Faut se faire du souci. On crache sur les cornes d'ennemis meurtris. Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres. Et jamais rien n'a changé. Dégoûté. Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres. Et jamais rien ne changera. Écoute ça. Je descends à mes rétifries, je vois un clochard qui dort. Je descends à Perdurie, je vois deux clochards qui dorment. Je descends à Port d'Italie, je vois trois clochards qui dorment. Je descends à Plate d'Italie, je vois cinq clochards qui dorment. Ouvre les yeux, moi, regarde devant toi, dis-moi si j'ai tort. Le gouvernement ne fait rien pour ceux qui dorment dehors. Yeah. Lève donc ton poing si avec nous t'es d'accord. L'été il est laisse galère et l'hiver il ramasse les grands wachas. Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, et jamais rien n'a changé. Dégoûté, les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, et jamais rien ne changera. Écoute ça, laisse-moi t'expliquer en deux secondes ce qui me prend la tête. Les bouffons dans les beaux quartiers avec leur houppette. Leur pétasse à côté qui pour un rien se la fête. Les va bouffer comme des porcs en en jetant par les fenêtres. Passer devant un mendiant sans donner une cigarette. Tout ça se lâchera d'un chauvin, c'est pas correct. Il faudra bien que tu payes dans mes sérieux sans tête. Mais ça fait une fois à poil, tu verras l'hiver, ça caille sec. Lève donc ton poing, c'est avec nous, t'es d'accord. L'été, il est l'escalaire et l'hiver, il ramasse les coups. Jour après jour, année après année, des morts encore. Encore des jeunes délaissés du sud qui perdent de temps. L'hiver, il fait froid, tu te croirais au pôle Nord. Pourtant, ça les dérange pas de voir les jeunes dormir dehors. Racasse en exonde pour tous les quartiers, frappe plus fort. Au service de la cité, Pigalé Marie monte le score. Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, et jamais rien n'a changé. Dégoûté, les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, et jamais rien ne changera. Écoute ça, les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, et jamais rien n'a changé. Dégoûté, les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, et jamais rien ne changera. Écoute ça, les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres. Original, mauvais garçon, bien joué. Pour la garçon, Nixon, M2, de Melès, Ivy, et bien animé, quand tous les quartiers, toutes les pays. Raga Sonic, les riches sont de plus en plus riches, Étienne, n'est-ce mm-hmm. pas? oui, ça c'est très intéressant à noter. Justement, c'était une des statistiques qui avait été montrée dans cette conférence-là à l'Université Laval. On parle de la conférence de Simon Tremblay-Pépin, de oui. l'IRIS. Oui. Et c'est l'Institut de recherche socio-économique. J'avoue que je me souviens pas du nom exact. D'information. Oui, les liens sont déjà sur le okay. blog en ce moment, le blog de l'émission. Pour ce qui est de Simon Tremblay-Pépin, lui est économiste et chercheur. Donc, son groupe est un groupe indépendant. Totalement indépendant, c'est ça. Qui n'accepte pas des donations trop grandes d'individus ou d'organismes parce que sinon, il deviendrait dépendant d'un autre groupe. Il ne serait plus un groupe autonome capable d'avoir des conclusions de recherche qui soient crédibles puisqu'ils sont pas inféodés à d'autres groupes finalement. Alors voilà, malgré un financement plus petit qu'admettons d'autres groupes comme l'Institut économique de Montréal, eh bien ils produisent fréquemment des recherches et ce qu'ils ont décidé de faire eux, c'est d'étudier ça, l'état de la dette du Québec. Finalement avoir un message comme de alors quoi... Alors c'est terrible, c'est catastrophique? Non, pas du tout. Pas du tout. Son but, c'était de nous rassurer finalement. Alors lui était là pour faire ça. Il est invité à l'Université Laval par le comité printemps 2015, section Québec. Des jeunes qu'il avait invités là à l'Université Laval pour nous rassurer sur la situation des finances du Québec. Alors, il a commencé sa présentation par quelque chose d'assez technique, c'est étudier la dette qui porte plusieurs noms, qui peut atteindre plusieurs chiffres selon les définitions qu'on en a. Oui. Alors, le chiffre le plus grand, celui qui est le plus fréquemment utilisé pour finalement effrayer les gens, c'est la dette brute. Alors qu'il est beaucoup plus intéressant d'étudier la dette lorsqu'on y retranche les avoirs du gouvernement du Québec. Parce que oui, il a de la dette. Mais il possède aussi beaucoup de choses. Il possède beaucoup de montants d'argent, beaucoup de ressources financières. Il possède aussi des ressources physiques. Il possède des terrains. Il possède des bâtiments. Il possède des barrages hydroélectriques, beaucoup de machinerie. Alors, oui, un État est endetté, mais possède des choses. Et finalement, lorsqu'on retranche ça du montant initial, la dette brute, on voit qu'elle fond finalement, qu'elle est réduite au moins de moitié. Et c'est ça qui est intéressant pour relativiser les choses et ne pas partir en peur finalement. Parce que c'est ce qui est inquiétant, admettons, avec des compteurs de la dette, c'est qu'on ne donne pas de contexte. On montre simplement un chiffre, on monte souvent sur un compteur sur Internet qui monte en permanence et ça sert à peu de choses à part inquiéter le monde. Il faudrait avoir à côté un équivalent en actif. Là. Il y a un passif, mais il y a un actif. Des actifs c'est importants. C'est Jacques Parizeau, d'ailleurs, qui disait, je me rappelle à une entrevue il y a quelques années, on reproche beaucoup à la génération des baby-boomers d'avoir endetté le Québec, mais quand on se met à calculer tout ce qui a été fait depuis le début de la Révolution tranquille, les écoles, les hôpitaux, les barrages hydroélectriques, les routes, etc., etc., finalement, il y a un actif assez important. C'est ça, c'est de la bonne dette. Ce qu'on appelle de la bonne dette, c'est investir. On dépense, on emprunte, mais c'est pour faire des investissements pour des choses utiles pour la société. Oui. Vous en avez nommé plein. Oui. Et ça, c'est des choses qui restent, qui sont transmises aux générations futures. Oui. Alors, cette idée-là ridicule que la dette est n'est qu'une tare dont héritera nos enfants ou petits-enfants, bien, ils hériteront de beaucoup de choses. Si on leur bâtit des infrastructures, ils en profiteront. Oui, il y a un très bon ouvrage de Louis Gill aussi sur la dette qui est à lire si vous cherchez quelque chose d'intéressant à lire pour bien comprendre. Oui. Je pense que ça s'appelle La dette, quelque chose comme tout simplement, là, l'ouvrage de Louis Gill, mais je me rappelle je l'ai encore d'ailleurs personnellement. Là, c'est fort intéressant. On mettra la référence sur le blog. Il y a aussi une autre référence que je mettrai qui est un document produit par l'IRIS qui porte le même nom que la conférence, finalement, L'état de la dette au Québec. Oui, c'est vrai. Et qui vise à rassurer les gens en remettant en perspective les chiffres, ce qui est un travail nécessaire, je dirais. Alors, pour ce qui est de l'austérité, lorsqu'on voit que la dette n'est pas inquiétante, lorsqu'on voit que, ça c'est mon opinion personnelle et je vous ai dit pourquoi, que les recherches sur lesquelles se base cette idée d'austérité-là sont des recherches qui ont eu plusieurs ratés, eh bien, finalement, on se demande qu'est-ce que ça donne que de faire de l'austérité. Monsieur Simon Tremblay-Pépin, lui, avait tendance à parler du cercle vicieux de l'austérité, où est-ce que les objectifs ne sont jamais atteints. Le but de l'austérité, c'est de réduire les déficits, mais c'est un ratage à chaque fois, parce que lorsqu'il ne vise qu'à couper les dépenses, généralement, et ce qui fait que la société en général possède moins d'argent et peut moins fournir de revenus à l'État en payant d'impôts, en payant de taxes, et ce qui mène finalement le gouvernement qui a coupé dans les dépenses à être tout surpris de voir qu'il y a moins de revenus que prévu, parce qu'il a sabré l'économie par ses actions, par ses coupes. Les revenus attendus ne sont jamais au rendez-vous. Alors finalement, le déficit n'est pas vaincu. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent à nouveau dans les dépenses. Qu'est-ce que ça donne? Moins de revenus. Alors ils coupent encore dans les dépenses. Ouais. Je pense que vous voyez le cercle vicieux s'installer. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je pense que c'était une stratégie qui était même carrément suggérée par ceux qui sont en faveur d'un désengagement de l'État. Oui, c'est ça. Ça s'appelle... en fait, ce qui est proposé souvent, c'est d'assoiffer la bête. C'est le genre de mot que j'ai entendu souvent. Ouais. C'est l'État est perçu comme un mal en soi, donc on souhaiterait qu'il soit plus petit. Alors, c'est là que vient la logique de coupe d'impôts, finalement, souvent pour les riches. Ben, à peu près toujours pour les riches. Ou est-ce qu'on lui fournit moins de revenus pour qu'il soit plus petit, finalement, qu'il ait moins d'actions et qu'il inquiète moins les possédants ou les grandes entreprises qui ont un jeu... Donc, d'après Simon Tremblay-Pépin, la dette n'est pas si catastrophique que ça, mais il propose quand même qu'elle de faire quelque chose, pour pas de ne rien faire, de s'asseoir, de se croiser les bras, de dire finalement tout va bien. C'est ça. Une économie doit être quand même soutenue par son gouvernement. Lorsqu'une économie entre dans une récession ou des ralentissements ou qu'il y a des besoins d'investissement, eh bien, c'est l'État qui doit venir pour secourir les gens qui, finalement, ont besoin d'argent. Ça, c'est une vieille théorie, là, finalement, depuis John Maynard Keynes, il y a un grand nombre de décennies. C'est cette idée-là de l'État qui vient investir de grands montants d'argent. Et ces montants-là vont servir à stimuler l'économie. Et ces montants-là reviendront à l'État en revenus par l'impôt, par les taxes. Et c'est un investissement, finalement, qui fera des petits. Oui. Et il y a un étudiant qui, lui, était un chercheur dans le domaine de ces théories keynésiennes-là, de John Maynard Keynes, qui a posé la question au conférencier et qui lui a dit « Oui, mais vous, quand vous parlez de stimuler l'économie là, dans cette optique-là keynésienne, mais c'est par quel investissement? Est-ce que vous avez une idée de projet? » Alors, lui, il répondait « le transport ». Le transport, pour lui, au L'électrification Québec. L'électrification du transport. Oui, c'est ça. C'est ça. Il voudrait que Québec... que notre gouvernement provincial investisse fortement dans l'économie pour fournir du transport en commun moderne. Oui, ça serait un très beau projet parce qu'on a effectivement, on n'arrête pas de nous dire qu'on a des surplus d'hydroélectricité. D'électricité qui, pour l'instant, sont souvent planifiées pour l'exportation, alors qui pourraient servir à notre transport, qui repose sur le pétrole. Plus que l'exportation diminue parce que les Américains utilisent de plus en plus du gaz de schiste pour produire leur propre électricité. Oui, ils ont trouvé des beaux hydrocarbures sur leur territoire et ont peut-être moins besoin de nous. Il faudrait qu'on réagisse. La conclusion donc globale de Simon Tremblay-Pépin, c'est qu'il faut, d'une part, il ne faut pas s'énerver avec la dette, mais d'autre part, il faut quand même que l'État stimule l'économie, c'est ça? Oui, c'est très important, surtout lorsque lui, il parlait des acteurs privés. Pour ce qui est de moderniser nos transports et surtout le transport en commun, est-ce qu'on peut imaginer que des compagnies privées prennent la propre initiative de faire des plans ambitieux qui relieraient les villes entre elles? Moi, à l'émission ici, j'ai déjà mentionné ce projet-là de monorail Québec Montréal qui semble pas avancer tant que ça aux dernières nouvelles. Ouais, hélas. Alors qu'on en aurait vraiment besoin. Quand on est dans une espèce de blocage comme ça, où aucun agent n'avance, aucun agent ne fait le premier pas, il faut que ce soit l'État qui finalement se décide à aller de l'avant. À stimuler les gens, c'est ça, leur donner le goût de faire quelque chose. C'est ça, alors il faut proposer un plan de transport, c'est crucial. Étienne, on va faire une pause musicale et on va revenir en arrière sur sur quelque chose que tu n'avais pas mentionné tantôt, mais quand même fort intéressant. Oui, un document de proposition budgétaire qui s'appelle 10 milliards de solutions. 10 milliards de solutions. Il y en a des solutions, chers auditeurs. On écoute Proletariat Blues des Blue Scholars. I'm not supposed to represent my... So bagging groceries on base for just tips, no salary. Wouldn't even make enough in one day to buy a CD. So next thing you know, Mom's is picking me up from jail for stealing CDs at Blockbuster and shit. Back in the days when I was a teenager, minimum wage earning, rocking an apron. I was pushing hella carts, asking plastic or paper to bastard-ass customers. Plus most of us had relatives working in the same supermarket. When boss wasn't looking, rolled the dice on the carpet in the lunchroom, listening to Biggie and Nas, but not as much as Snoop, 40, Water, and Pac. Me, I rock the Walkman instead, writing rhymes in my head, often bored, I'd recite them out loud, and memorize a song long before I write it down. In lunchroom freestyles is where I learned to clown, plantation style, yellow, brown, black, majority. Half the young cats either enlisted in the Army or the Navy or Marines, but I was having dreams, and I ain't even halfway there yet. It seems that we never get paid what our labor is worth, it's why we often in a daze on the way to our work, and when we get there, we can't wait to be out. So let me tell you what it's about. And now we never get paid what our labor is worth. It's why we often in a daze on the way to our work. And when we get there, we can't wait to be out. So let me tell you what it's about. Nice. So you used to do telemarketing, right? 7 a.m. shifts on the West Coast means we're calling the East Coast. And on 9/11, this fool tries to fire me for refusing to make calls during the air. The next place of employment's no better than this. My first day thinking this some fucking office space shit. But not me, boss. These conditions ain't suitable. Hide the pen and pad, writing rhymes in a cubicle. Automated phone click, dial tone, cold calling. Hoping for some gullible folks to take the offer. A mission for commission, tuition for college. Please put our number on your do not call list. Half the whole staff graduated with honors. And you're trying to tell me telemarketing's your best job option? This shit is not popping, working to the bone, living at home, facing up debt and student loans. Now the manager's a tool and a clown, but productivity increases anytime he's nowhere to be found. And this tight-ass environment makes me want to earl, like watching Flavor Flav tongue kiss an old girl. Now we never get paid what our labor is worth, it's why we often in a daze on the way to our work. And when we get there, we can't wait to be out. So let me tell you what it's about. And now we never get paid what our labor is worth. That's why we often in a daze on the way to our work. And when we get there, we can't wait to be out. So let me tell you what it's about. C'était les Blues Cars dans Proletariat Blues. Étienne, on a 10 milliards de solutions à proposer à nos auditeurs. Oui, pour régler le problème de l'austérité, entre autres. Oui, ça, c'est un document qui circule beaucoup dans les associations militantes depuis quelques temps, finalement, et qui et dont a passé, parlé, voyons, M. Massé dans cette conférence de lundi. Bruno Massé, lui, disait qu'il faisait circuler ce document-là qui fait des propositions budgétaires pour que l'État du Québec récupère 10 milliards de plus. C'est pour ça qu'il s'intitule 10 milliards de plus. Il va y avoir un lien sur le blog de l'émission. Oui, j'en mettrai un. C'est ça, ça a été un document qui a été monté par la coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics. Et ce document-là, ce que les associations essayaient de faire, c'était de les proposer, ces solutions-là, aux députés de l'Assemblée nationale du Québec. Alors, le but était de se présenter à leur bureau, de se faire recevoir et de leur montrer ce document-là avec des listes très concrètes, très précises de solutions. Et moins d'avoir des engagements solennels des députés devant eux que juste avoir leur avis. C'est leur présenter des propositions alternatives et leur dire « qu'est-ce que vous en pensez? » On ne vous demande pas des engagements, on vous demande juste votre avis spontanément. Et d'après M. Massé, Bruno Massé, les réponses des députés avaient tendance à être impressionnées, finalement, d'être impressionnées par le travail des groupes communautaires qui ont fait un document chiffré assez impressionnant. Et par exemple, ça s'est pas suivi de l'adoption concrète de ces mesures-là, malheureusement. Mais moi, tant qu'à moi, j'ai peut-être une réaction pessimiste à cette anecdote-là parce que ça montre peut-être que le gouvernement baisse les bras pour ce qui est de trouver des solutions originales. Effectivement. Étienne, c'est malheureusement tout le temps qu'on a. Il reste à peu près une minute à l'émission. Tout ça va être mis sur le blog de toute façon. On aurait pu parler de Léopold Lauzon aussi. Vous vouliez nous en glisser un mot, mais on va se garder ça pour une prochaine fois. Oui. Toujours en lien avec la question de l'austérité, avec la question de la dette. Alors, moi, je vous dis, chers auditeurs, au revoir. C'était déjà tout pour cette semaine pour l'émission Le Grain de sable d'Attaque Québec. Et on va se revoir la semaine prochaine. Nous, Étienne, on se revoit dans deux semaines, n'est-ce pas? Alors, on aura donc un autre sujet ou d'autres sujets tout aussi intéressants dans deux semaines. L'émission Le Grain de sable d'Attaque Québec est produite par des militants et militantes de la région de Québec, d'Attaque Québec. Attaque Québec est l'association pour la taxation des transactions financières. C'est une association qui lutte pour qu'il y ait une meilleure façon de financer les services publics. Et voilà, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Et l'émission Les Geeks contre-attaque suit tout de suite après la pause musicale. Téléchargez Le Grain de sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Kalachnikov, la compagnie, a décidé de refaire un branding, de refaire l'image du très vieux et quand même vénérable fusil, le AK-47. À partir de maintenant, le Kalachnikov, mesdames et messieurs, est une arme de paix. Toute l'actualité techno dans l'émission Les Geeks contre-attaquent dans un instant. Ouais, c'est ça. C'est des chips de 6 pouces de large et de 4 mm d'épais. Voilà. Ils sont plus gros que les chips ordinaires en plus. Qui viennent avec un petit sachet, que ça a l'air de la mayonnaise, mais en réalité, c'est du Saint-Doux. Ouais. Puis il y a comme plus de sel dedans. Puis en dedans, il y a du gravy. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est la sauce qui tient le sel ensemble. Oh my God, qu'on est rendu loin! Le sac lui-même est frit. Les propriétés Marvel, Disney, Star Wars, Square Enix, Final Fantasy, dans la série qui... Vous voulez plonger dans l'univers des arts visuels à Québec? Vous voulez aller à la rencontre de ces artisans? Ne manquez pas le seul magazine radiophonique entièrement dédié à l'univers des arts visuels, l'Aérospatial, animé par Julie Gagné. Revue de presse, sélection audio, entrevues, commentaires. Une heure par semaine pour vous faire vivre et découvrir cette discipline.

émission. Vous attendiez les Geeks Contre-Attaque. Eh bien, c'est parti sur les ondes de CKRL 89.1. En direct des légendaires studios de Limoilou, CKRL présente le Geek Contre-Attaque avec Eric Lajoie, qui n'est pas là, Simon Boucher, Philippe Jacques, Laurent